Exercice 9, page 44. A. Achète-le. Transformer. Achète-la. Achète-les. B. Amène-le. Transformer. Amène-la. Amène-les. C. Appelle-le. Transformer. Appelle-la. Appelle-les. D. Il le relève. Transformer. Il la relève. Il les relève. E. Il le referme. Transformer. Il la referme. Il les referme. F. Il le recherche. Transformer. Il la recherche. Il les recherche.